si beaux yeux, ses beaux cheveux, son petit nez. Oh vraiment, vraiment, j'aime cette fille. Elle a un cœur, oh c'est mon port, je vais sombrer. Mais je te le promets, il n'y a pas que ça. Je suis le plus heureux des hommes. Je sais que ce soir, quand il fera noir, je la reverrai. On parlera, on s'aimera, je m'étendrai à ses côtés. Je suis je suis fou d'elle, je suis avec elle. Quel équilibre instable, mais j'ai confiance. Je n'ai pas de doute, en avant toute, c'est pour toujours. Oui, vraiment, j'ai confiance. Je suis le plus heureux des hommes. Si au moins tout à temps et rien à craindre, on est mariés. Le monde est avec nous et nous aime. Il nous soutient, quoi qu'il advienne, je vais hurler. J'aime cette fille qui m'aime aussi.